Damien avait été condamné, le 2 mars 1757, à faire amende honorable devant la principale porte de l'église de Paris, où il devait être mené et conduit dans un tombereau, nu, en chemise, tenant une torche de cire ardente du poids de 2 livres. Puis, dans le dit tombereau, à la place de Grève, et sur un échafaud qui y sera dressé, tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes. Sa main droite, tenant en nacelle le couteau dont il a commis le dit parricide, brûlé de feu de soufre, et sur les endroits où il sera tenaillé, jeté du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix résine brûlante, de la cire et soufre fondu, et ensuite, son corps tiré et démembré à 4 chevaux, et ses membres et corps consumés au feu, réduits en cendres, et ses cendres jetées au vent. Enfin, on l'écartela, raconte la Gazette d'Amsterdam. Cette dernière opération fut très longue, parce que les chevaux dont on se servait n'étaient pas accoutumés à tirer. En sorte qu'au lieu de 4, il en fallut mettre 6. Et cela ne suffisant pas encore, on fut obligé, pour démembrer les cuisses du malheureux, de lui couper les nerfs et de lui hacher les jointures. On assure que, quoiqu'il eût toujours été grand jureur, il ne lui échappa aucun blasphème. Seulement, les excessives douleurs qui lui faisaient pousser d'horribles cris. Et souvent, il répéta « Mon Dieu, ayez pitié de moi. Jésus, secourez-moi. » Les spectateurs furent très édifiés de la sollicitude du curé de Saint-Paul, qui, malgré son grand âge, ne perdait aucun moment pour consoler le patient. Et l'exempt bouton, on a allumé le soufre. Mais le feu était si médiocre que la peau du dessus de la main seulement n'en a été que fort peu endommagée. Ensuite, un exécuteur, les manches troussées jusqu'au dessus des coudes, a pris des tenailles d'acier faites exprès d'environ 1,5 pied de long, l'a tenaillé d'abord au gras de la jambe droite, puis à la cuisse, de là aux 2 parties du gras du bras droit, ensuite aux mamelles. Cet exécuteur, quoique fort et robuste, a eu beaucoup de peine à arracher les pièces de chair qu'il prenait dans ses tenailles 2 ou 3 fois du même côté en tordant, et ce qu'il en emportait formait à chaque partie une plaie de la grandeur d'un écu de 6 livres. Après ces tenaillements, Damien, qui criait beaucoup, sans cependant jurer, levait la tête et se regardait. Le même tenailleur a pris avec une cuillère de fer dans la marmite de cette drogue toute bouillante qu'il a jetée en profusion sur chaque plaie. Ensuite, on a attaché avec des cordages menus les cordages destinés à atteler aux chevaux, puis les chevaux attelés dessus à chaque membre le long des cuisses, jambes et bras. Le sieur Le Breton, greffier, s'est approché plusieurs fois du patient pour lui demander s'il avait quelque chose à dire. A dit que non. Il criait comme on dépeint les damnés. Rien n'est à le dire, à chaque tourment. Pardon, mon Dieu. Pardon, Seigneur. Malgré toutes ses souffrances ci-dessus, il levait de temps en temps la tête et se regardait hardiment. Les cordages si fort serrés par les hommes qui tiraient les bouts lui faisaient souffrir des maux inexprimables. Le sieur Le Breton s'est encore approché de lui et lui a demandé s'il ne voulait rien dire. A dit non. Les confesseurs se sont approchés à plusieurs et lui ont parlé longtemps. Il baisait de bon gré le crucifix qu'il lui présentait. Il allongeait les lèvres et disait toujours « Pardon, Seigneur ». Les chevaux ont donné un coup de collier. Tirant chacun un membre en droiture, chaque cheval tenu par un exécuteur. Un quart d'heure après, même cérémonie. Et enfin, après plusieurs reprises, on a été obligé de faire tirer les chevaux, savoir ceux du bras droit à la tête, ceux des cuisses en retournant du côté des bras, ce qui lui a rompu les bras aux jointures. Ces tiraillements ont été répétés plusieurs fois sans réussite. Il levait la tête et se regardait. On a été obligé de remettre 2 chevaux. Devant ceux attelés aux cuisses, ce qui faisait 6 chevaux. Point de réussite. Enfin, l'exécuteur Samson a été dire au sieur Le Breton qu'il n'y avait pas de moyen ni espérance d'en venir à bout, et lui a dit de demander à messieurs s'ils voulaient qu'il le fit couper en morceaux. Le sieur Le Breton, descendu de la ville, a donné ordre de faire de nouveaux efforts, ce qui a été fait. Mais les chevaux se sont rebutés, et un de ceux attelés aux cuisses est tombé sur le pavé. Les confesseurs, revenus, lui ont parlé encore. Il leur disait, je l'ai entendu, « Baisez-moi, messieurs. » Le sieur curé de Saint-Paul n'ayant osé, le sieur de Marcilly a passé sous la corde du bras gauche et l'a été baisé sur le front. Les exécuteurs s'unirent entre eux et Damien leur disait de ne pas jurer, de faire leur métier, qu'il ne leur en voulait pas, les priait de prier Dieu pour lui et recommandait au curé de Saint-Paul de prier pour lui à la première messe. Après deux ou trois tentatives, l'exécuteur Samson et celui qui l'avait tenaillé ont tiré chacun un couteau de leur poche et ont coupé les cuisses au défaut du tronc du corps. Les quatre chevaux, étant à plein collier, ont emporté les deux cuisses après eux, savoir celle du côté droit la première, l'autre ensuite. Ensuite, en a été fait autant aux bras et à l'endroit des épaules et aisselles, et aux quatre parties. Il a fallu couper les chairs jusque presque aux os. Les chevaux, tirant à plein collier, ont remporté le bras droit le premier et l'autre après. Ces quatre parties retirées, les confesseurs sont descendus pour lui parler. Mais son exécuteur leur a dit qu'il était mort, quoique la vérité était que je voyais l'homme s'agiter et la mâchoire inférieure aller et venir comme s'il parlait. L'un des exécuteurs a même dit, peu après, que lorsqu'il avait relevé le tronc du corps pour le jeter sur le bûcher, il était encore vivant. Les quatre membres détachés des cordages des chevaux ont été jetés sur un bûcher préparé dans l'enceinte, en ligne droite de l'échafaud. Puis, le tronc et le tout ont été ensuite couverts de bûches et de fagots, et le feu mis dans la paille mêlée à ce bois. En exécution de l'arrêt, le tout a été réduit en cendres. Le dernier morceau trouvé dans les braises n'a été fini d'être consumé qu'à 10h30 et plus du soir. Les pièces de chair et le tronc ont été environ 4 heures à brûler. Les officiers, au nombre desquels j'étais, ainsi que mon fils, avec des archers par forme de détachement, sommes restés sur la place jusqu'à près de 11 heures. On veut tirer des conséquences sur ce qu'un chien s'était couché le lendemain sur le pré où avait été le foyer, en avait été chassé à plusieurs reprises, y revenant toujours. Mais il n'est pas difficile de comprendre que cet animal trouvait cette place plus chaude qu'ailleurs. 3/4 siècle plus tard, voici le règlement rédigé par Léon Fauché pour la maison des jeunes détenus à Paris. Article 17. La journée des détenus commencera à 6h du matin en hiver, à 5h en été. Le travail durera 9h par jour en toute saison. 2 heures par jour seront consacrées à l'enseignement. Le travail et la journée se termineront à 9h en hiver, à 8h en été. Article 18. Levée. Au premier roulement de tambour, les détenus doivent se lever et s'habiller en silence, pendant que le surveillant ouvre les portes des cellules. Au second roulement, ils doivent être debout et faire leur lit. Au troisième, ils se rangent par ordre pour aller à la chapelle où se fait la prière du matin. Il y a 5 minutes d'intervalle entre chaque roulement. Article 19. La prière est faite par l'aumônier et suivie d'une lecture morale ou religieuse. Cet exercice ne doit pas durer plus d'une demi-heure. Article 20. Travail. À 6h moins un quart en été, à 7h moins un quart en hiver, les détenus descendent dans la cour où ils doivent se laver les mains et la figure, et recevoir une première distribution de pain. Immédiatement après, ils se forment par atelier et se rendent au travail, qui doit commencer à 6h en été, à 7h en hiver. Article 21. Repas. À 10h, les détenus quittent le travail pour se rendre au réfectoire. Ils vont se laver les mains dans leur cour et se former par division. Après le déjeuner, récréation jusqu'à 11h moins 20 minutes. Article 22. école. À 11h20, au roulement de tambour, les rangs se forment, on entre à l'école par division. La classe dure 2 heures, employée alternativement à la lecture, à l'écriture, au dessin linéaire et au calcul. Article 23. À 1h20, les détenus quittent l'école par division et se rendent dans leur cour pour la récréation. À 1h05, au roulement du tambour, ils se reforment par atelier. Article 24. À 1h, les détenus doivent être rendus dans les ateliers. Le travail dure jusqu'à 4h. Article 25. À 4h, on quitte les ateliers pour se rendre dans les cours où les détenus se lavent les mains et se forment par division pour le réfectoire. Article 26. Le dîner et la récréation qui suit durent jusqu'à 5 heures. À ce moment, les détenus rentrent dans les ateliers. Article 27. À 7 heures en été, à 8 heures en hiver, le travail cesse. On fait une dernière distribution de pain dans les ateliers. Une lecture d'un quart d'heure ayant pour objet quelques notions instructives ou quelques traits touchants est faite par un détenu ou par un surveillant et suivie de la prière du soir. Article 28. À 7h30 en été, à 8h30 en hiver, les détenus doivent être rendus dans la cellule après le lavement des mains et l'inspection des vêtements faite dans les cours. Au premier roulement de tambour, se déshabiller, et au second, se mettre au lit. On ferme les portes des cellules et les surveillants font la ronde dans les corridors pour s'assurer de l'ordre et du silence. Voilà donc un supplice et un emploi du temps. Ils ne sanctionnent pas les mêmes crimes, ils ne punissent pas le même genre de délinquants. Mais ils définissent bien, chacun, un certain style pénal. Moins d'un siècle les sépare. C'est l'époque où fut redistribuée, en Europe, aux États-Unis, toute l'économie du châtiment. Époque des grands scandales pour la justice traditionnelle, époque des innombrables projets de réforme, nouvelle théorie de la loi et du crime, nouvelle justification morale ou politique du droit de punir, abolition des anciennes ordonnances, effacement des coutumes, projet ou rédaction des codes modernes, Russie 1769, Prusse 1780, Pennsylvanie et Toscane 1786, Autriche 1788, France 1791, Ancate 1808 et 1810, pour la justice pénale, un âge nouveau.